السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التصوير، أو عفوا باب ما جاء في المصورين. chapitre numéro 60 concernant ceux qui façonnent des images, ceux qui font des représentations. مناسبة الباب لكتاب التوحيد لما كان التصوير وسيلة للشرك المضاد للتوحيد ناسب أن يعقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب في كتابه كتاب التوحيد، ولبيان حرمة هذا الفعل أيضا. التصوير مضادة لخلق الله سبحانه وتعالى، وهو أيضا سبب لوقوع الشرك في العالم، كما ذكرنا في أبواب مضت ماذا حصل في قوم نوح عليه السلام. Donc l'auteur nous dit concernant ceux qui façonnent des images: باب ما جاء في المصورين، أي من الوعيد الشديد. Concernant ceux qui façonnent des images, c'est-à-dire les textes qui ont été cités, les menaçant et montrant la gravité de leur action. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a cité ce chapitre dans son livre Kitab al-Tawhid, car les représentations, les images sont des choses qui peuvent causer l'apparition du shirk, comme cela a été pour le peuple auquel a été envoyé Nuh alayhi salam. La cause du polythéisme au monde a été la représentation de personnes pieuses et le fait d'exagérer à leur sujet. Deuxièmement, l'auteur a cité ce chapitre dans son livre, car celui qui fait des représentations tend à faire ressembler ce qu'il fait aux actions d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc c'est un manque de respect envers la rububiyya d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est un manque de respect envers les actions d'Allah tabaraka wa ta'ala. Fallahu azza wa jal wal musawwir wal khaliq tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala est lui le créateur, c'est lui le créateur et c'est lui qui nous fait à nos images. Wa takatharat al ahadith fi sahihayn wa fi ghayrihima fi هذا الباب في تحريم التصوير وذكر وعيد الوعيد للمصورين. Et nombreux sont les textes montrant l'interdiction des représentations et le châtiment prévu à ceux qui s'adonnent à ce péché. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه أبو هريرة رضي الله عنه أجي Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah le Très-Haut a dit, qui est plus injuste que celui qui essaye d'imiter ma création? Qu'il crée donc une petite fourmi, une graine ou une graine d'orge. Akhrajah ay fi al-Bukhari wa Muslim. Tous deux l'ont rapporté, c'est-à-dire l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Vous avez dans votre traduction qu'il crée Donc un atome, vous corrigez et vous mettez une petite fourmi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, khataba qawman arab. وهذا ما كان معروفا لديهم فيقال ذرة النملة الصغيرة. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à un peuple arabe selon ce qu'il comprenait, et il ne parlait pas d'atomes. Il ne parlait pas d'atomes. Donc les savants ont dit qu'il ne convenait pas de traduire ainsi, mais dharra c'est la petite fourmi. La petite fourmi. Apporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. هذا حديث قدسي. Un hadith à thème divin. يقول الله تبارك وتعالى ومن أظلم. هذا الاستفهام معناه النفي. ومن أظلم. Et qui est plus injuste, c'est-à-dire لا أظلم منه. Il n'y a pas plus injuste que lui. C'est-à-dire, il n'y a pas plus injuste que lui. Que qui? Que celui qui essaye d'imiter ma création. Mimman zahaba yakhluqu ka khalqi, ay yatashabbahu bi khalqi. Il n'y a pas plus injuste que celui qui crée comme Allah, c'est-à-dire qui tente de ressembler, ou plutôt d'imiter la création d'Allah tabaraka wa ta'ala. Thumma amarahum bi amri i'jaz. Puis Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné une chose qui ne leur sera pas possible, dont l'accomplissement ne leur sera pas possible. C'est pour qu'ils voient leur incapacité. Et il y a dans cela une menace et une punition. Allah subhanahu wa ta'ala les défie avec trois choses. Premièrement, فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً. Premièrement, qu'il crée donc une petite fourmi. والأمر هنا للتعجيز. وذرة النملة الصغيرة. فطولبوا بخلق أصغر المخلوقات. Donc on leur demande de créer une des créatures des plus petites. Et ils ne peuvent le faire. Alors on allège la demande. أو ليخلقوا حبة. On leur demande ensuite de créer une graine. Une chose minime, infime. Ils ne pourront le faire. Ils ne peuvent le faire. Alors on allège encore cela. أو ليخلقوا شعيرة. Une graine d'orge. Le معنى الإجمالي يروي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه يقول لا أحد أشد ظلما ممن يصور على شكل خلق الله. Dans ce hadith, le prophète صلى الله عليه وسلم nous informe qu'Allah عز وجل dit qu'il n'y a pas plus injuste que celui qui fait des représentations en tentant d'imiter la création d'Allah tabaraka wa ta'ala. لَنَّهُ بِذَلِكَ يُحَاوِلُ مُشَابَهَةَ فِعْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ. Car en faisant cela, il tente de copier, d'imiter les actions d'Allah tabaraka wa ta'ala. ثم تحداه الله تبارك وتعالى وأظهر وبين عجزه. Après cela, Allah تبارك وتعالى lui lance un défi et montre son incapacité en lui demandant de créer les créatures les plus petites. une petite fourmi, et même moins que cela. مع ذلك لا قدرة لهم على ذلك. Malgré ce qui leur a été demandé, ils n'y parviendront pas. لأن الله سبحانه وتعالى الأحد الصمد هو المتفرد بالخلق والتصوير. Car Allah تبارك وتعالى l'unique, celui qui n'a pas de semblable, est le seul à avoir ses attributs, c'est le seul créateur et le seul qui nous a créé sous nos formes. مناسبة الحديث للباء تحريم التصوير وأنه من أظلم الظلم. L'auteur رحمه الله تعالى a cité ce hadith dans le livre Kitab al-Tawhid sous ce chapitre, car on y voit l'interdiction des représentations et que c'est une des pires injustices. نستفيد من هذا الحديث تحريم التصوير ووصف الله تبارك وتعالى بأنه يتكلم. On tire de ce hadith l'interdiction des représentations, l'affirmation que parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala il y a le kalam, la parole. At-taswir mudahatun li khalqillah. Et que celui qui fait des représentations, ou bien plutôt que les représentations, sont une imitation d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'attribut de la création. Al-qudratu al-khalqi min khasa'isillah. Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à pouvoir créer. قد يتساءل سائل ويقول في هذا الحديث من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. ونجد نصوصا أخرى فيها ومن أظلم ممن منع مساجد الله ممن افترى على الله الكذب. Donc une personne pourrait se questionner et se demander en ces termes. Dans ce hadith, on nous dit qui est plus injuste que celui qui essaye d'imiter ma création. Dans d'autres textes, on trouve dans le Coran par exemple, et qui est plus injuste que celui qui interdit les mosquées d'Allah, comme dans Sourate al-Baqarah, le verset 114, ou dans Sourate al-An'am, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Et qui est plus injuste que celui qui profère des mensonges à l'égard d'Allah. Donc dans ce hadith, dans ces versets, on trouve à chaque fois qui est plus injuste que. Donc il n'y a pas plus injuste que lui, mais dans l'autre texte, il n'a pas plus injuste que lui. Comment répondre à cela? Comment unir entre ces textes? Et ça va avancer plusieurs réponses. من يجيب على هذا السؤال؟ كيف يجيبون؟ من يحل أو يحل الإشكال؟ نعم، كيف يجيبون على هذه problématique؟ comment؟ le shirk؟ لا. عند من؟ Tu lèves ta main ou tu te grattes? Hein? L'un après l'autre. Naam, ça va. En ce qui concerne les mosquées, c'est dans les actes. Là, c'est dans la création. Et le troisième, j'ai oublié. Dans le mensonge. Donc, ça c'est un constat, mais la réponse. قال بعض أهل العلم أنهم مشتركون في الأظلمية. Certains parmi les savants ont dit, ils sont tous unis dans l'injustice. Tous ont fait la plus grande injustice. Et pour chacun d'entre eux, on peut donc dire, il n'y a pas plus injuste que celui-ci. Il n'y a pas plus injuste que celui-là. D'autres ont dit, al-azlamiyya nisbiyya. هذا جواب قوي الأظلامية نسبية أي كل في بابه. Certains ont dit le fait de dire il n'y a pas plus injuste qu'un tel, c'est chacun dans son domaine, c'est relatif, chacun dans son domaine. Ici par exemple, لا أظلم في هذا النوع أي في هذا العمل من هذا الرجل لا في كل شيء لا أظلم في باب منع الحقوق من منع المسجد من منع مساجد الله ولا أظلم في المشابهة من التشبه بفعل الله في خلقه ولا أظلم في باب الكذب والافتراء ممن افترى على الله كذبا وهكذا. Donc les savants ont dit chacun dans son domaine, il n'y a pas plus injuste qu'un tel dans tel domaine. Ça ne veut pas dire dans tous les domaines, dans toutes choses. Par exemple, dans le fait d'enlever ou d'empêcher les droits d'autrui, il n'y a pas plus injuste que celui qui empêche l'accès aux mosquées d'Allah. Il n'y a pas plus injuste que celui qui empêche l'accès aux mosquées d'Allah. Dans le domaine du mensonge, il n'y a pas plus injuste que celui qui ment sur Allah. Non. Dans le domaine de la ressemblance et de l'imitation, il n'y a pas plus injuste que celui qui tente d'imiter la création d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ainsi de suite. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولهما أي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. Al-Bukhari et Muslim rapportent aussi d'après Aïcha, radiallahu anha, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, les gens qui vont avoir le châtiment le plus douloureux le jour de la résurrection sont ceux qui auront tenté d'imiter la création d'Allah. Ceux qui auront tenté d'imiter la création d'Allah. أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله أي يشابهون بخلق الله بما يصنعون. Donc ceux qui vont avoir le châtiment le plus douloureux le jour de la résurrection sont ceux qui tenteront d'imiter la création d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire qui font les représentations. في هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر معناه النهي والزجر أن المصورين أشد الناس عذابا في الآخرة لأنهم أقدموا على جريمة شنعاء وهي محاولة التشبه بفعل الله سبحانه وتعالى في خلقه وفي تصويره فهو المصور والخالق وحده لا شريك له. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe, et le but de cette information est de nous mettre en garde et l'interdiction, que ceux qui font les représentations sont ceux qui auront dans l'au-delà le châtiment le plus douloureux. Car ils ont fait dans ce bas monde un péché qui est très grave. Le fait de tenter d'imiter Allah subhanahu wa ta'ala dans certains de ses attributs. Dans le fait d'essayer de créer ou bien de représenter. Munasabatul hadith lilbab, shiddatu uqubatil musawwir. يوم القيامة فهذا الفعل إذن من الكبائر L'auteur a cité ce, chapitre, ce hadith sous ce chapitre car on y voit le lourd, ou plutôt le grand châtiment qu'aura à subir celui qui faisait les représentations dans Dunya. Donc dans l'au-delà, ceux qui faisaient les représentations dans ce bas monde auront à subir un lourd et douloureux châtiment. C'est donc un grand péché, car on nous annonce un châtiment dans l'au-delà. ما يستفاد من الحديث تحريم التصوير وأنه من الكبائر. On tire de ce hadith l'interdiction des représentations et que ce péché entre dans la catégorie des grands péchés. وأنه من مشابهة خلق الله. On tire également que les représentations entrent dans l'imitation de la création d'Allah. Même si la personne n'a pas visé cela. Même si la personne n'a pas visé cela. تفاوت العذاب يوم القيامة بحسب الجرائم. On tire ici une information qui est la diversité des châtiments ou bien la différence de degré de châtiment selon les péchés. Car ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit les gens qui vont avoir le châtiment le plus douloureux. Ashaddu an-nasi 'adaban. Donc on comprend que les gens qui subiront le châtiment ne seront pas tous au même degré. Ne subiront pas tous le même châtiment. Certains auront un châtiment plus douloureux que d'autres. Wa kulluhu shadid. Et tout châtiment et douloureux, Allah le Musta'an. At-taswir min a'zami adh-dhunub. On tire de cela que les représentations font partie des pires péchés. Wujub ihtirami janab rububiyyati Allah tabaraka wa ta'ala. L'obligation de respecter la seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala et son unicité dans ses actions. فتوحيد الله سبحانه وتعالى في بربوبيته تعريف إفراد الله في أفعاله في كونه والخالق وحده لا شريك له والمالك وحده دون ما سواه دون من سواه والمدبر سبحانه وتعالى. Ibn Athaymin, rahimahullah ta'ala, attire notre attention sur un point. En disant, la yushtaratu an yuqsada mudahatu khalqillah bit-taswir. Donc, on ne conditionne pas pour rentrer dans cette menace que la personne est visée à travers son action, la représentation, le fait d'imiter la création d'Allah tabaraka. La représentation en elle-même entre dans cela. Entre dans l'imitation des actions d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il entre dans cela, même s'il n'a pas eu cela comme intention, même s'il n'a pas mis cette intention. لَنَّ الْعِلَّةَ الْمُشَابَهَةَ. الْعِلَّةَ الْمُشَابَهَةَ لَا قَصْدَ الْمُشَابَهَةَ. Car la sagesse de l'interdiction et du châtiment est la ressemblance en soi, pas le fait de viser cette ressemblance. Pas le fait de viser cette ressemblance. En d'autres termes, celui qui fait des représentations, hein, il y aura dans cette chose finale une ressemblance, même s'il ne l'a pas visé, même s'il ne l'a pas recherché en soi. هكذا فادنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى. أما من صور وقصده مضاهات خلق الله تبارك وتعالى فهذا كفر. Quant à celui qui fait des représentations et son but est de concurrencer, d'imiter l'action d'Allah tabaraka wa ta'ala, ça c'est du shirk akbar. Ça c'est du kufr et du shirk akbar. Celui qui dit je veux faire comme Allah, celui qui dit je peux faire comme Allah, celui qui tente de faire comme Allah azza wa jal et qui ne reconnaît pas l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans cela, سبحان الله، هذا فعل عظيم جدا. Cela est le pire des comportements. Quant à celui qui n'a pas visé cela, il a fait un péché. Il a fait un péché, et comme on l'a vu, ça entre dans les grands péchés. Mais ça n'atteint pas le niveau du kufr. Ainsi, on répond à la problématique qui est qu'ici on nous dit ashaddun nas azaban, ceux qui auront le châtiment le plus douloureux le jour de la résurrection. Si ce péché n'atteint pas le niveau du kufr, est-ce qu'on comprend de ce hadith que ceux qui font les représentations auront un châtiment plus douloureux que les associateurs, que ceux qui ont fait des péchés encore plus grands? Non. Lorsqu'on nous dit ashaddun nas azaban, ay min ashaddin nas azaban, donc pour la personne qui n'aura pas atteint le niveau du kufr dans ce péché, ce qui est sous-entendu, c'est parmi ceux qui auront le châtiment le plus douloureux. Est-ce que c'est compris? Parmi, c'est sous-entendu dans la phrase. Parmi ceux qui auront le châtiment le plus douloureux le jour de la résurrection, il y a ceux qui auront tenté d'imiter la création d'Allah tabaraka wa ta'ala. Aussi, lorsqu'on nous dit min ashaddin nasi azaban yawm al-qiyamah, que ceux qui auront le châtiment le plus douloureux le jour de la résurrection, ça ne veut pas dire qu'ils sont les seuls à avoir cela. Ça ne veut pas dire qu'ils seront les seuls à avoir cela. Il se peut que d'autres s'associent dans la lourdeur du châtiment. أن الأشدية لا تعني أن غيرهم لا يشاركهم بل يشاركهم غيرهم قال الله سبحانه وتعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Donc autre que aussi auront le plus lourd châtiment, si ce n'est plus que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran dans sourate Ghafir, faites entrer les suiveurs de Pharaon au plus douloureux des châtiments. Au plus douloureux des châtiments. D'autres réponses ont été aussi avancées. Savez-vous quelle est la cause de ce hadith? À quelle occasion le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ashaddu nasi azaban yawm al-qiyamah al-musawwirun ou afwan alladhina yudahi'una bi khalqillah. نعم تفضل. طيب le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentré chez lui chez Aïcha radiallahu anha, et elle avait pris du tissu sur lequel il y avait des représentations, elle en a fait comme on pourrait dire des rideaux. Wallahu a'lam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a corrigé sur cela et l'a mise en garde contre cela en lui disant ashaddun nasi azaban yawm al-qiyamah alladhina yudahi'una bi khalqillah. Les gens qui vont avoir le châtiment le plus douloureux le jour de la résurrection sont ceux qui auront tenté d'imiter la création d'Allah. Est-ce que, ici, quelqu'un a tenté d'imiter la création d'Allah tabaraka wa ta'ala? À qui s'adresse le prophète sallam ici? Aïcha radiallahu anha, siddiqatu binti siddiq. Na'am. Donc on comprend de cela que la personne est menacée de ce châtiment, même si elle n'a pas eu l'intention de copier d'imiter la création d'Allah, comme l'a dit Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Ceci est une preuve de l'authenticité des propos du Cheikh rahimahullah ta'ala. فيه أن الوعيد يتناول المسور ولو لم يقصد المضاهاة. Les savants ont également tiré de ce hadith qu'on ne conditionne pas que la chose représentée est une ombre. Car certains ont dit, si ça n'est pas une chose qui a une forme, naam, comme une statue, comme une idole, une chose qui n'a, si ça n'est pas une chose qui a une ombre, alors ça n'est pas interdit. Ce hadith réfute cela. Ce hadith réfute cela et montre que toutes les représentations sont interdites. Et on verra que ce sont celles qui représentent des choses ayant une âme, les gens et les animaux. On tire également de cela qu'en plus d'interdire la représentation, on interdit l'utilisation des représentations. Car Aïcha radiallahu anha n'est pas celle qui a fait les représentations. Malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à elle en ces termes. Donc la représentation est interdite et d'utiliser les représentations pareillement. Alhamdulillah. ولهما البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل سورة صورها نفس يعذب بها في جهنم الله المستعان. Il rapporte également, c'est-à-dire Al-Bukhari et Muslim, rahimahumullah, d'après Ibn Abbas, radiallahu anhuma, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire, tout façonneur d'image est en enfer. Tout façonneur d'image est en enfer. Chaque image façonnée correspondra à une âme qui le châtiera dans Jahannam. Fayu'adhabuna bisoura. Donc ils seront châtiés par ce qu'ils faisaient dans ce bas monde. كل مصور في النار. يجعل له بكل سورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. كل من ألفاظ العموم. كل من ألفاظ العموم. ولكن جاء التخصيص فصور المحرمة هي ذوات الأرواح. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit tout façonneur d'image, mais les textes nous montrent que ce sont ceux qui font des représentations de choses ayant une âme, Et parmi les preuves, ce hadith. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ici, يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ سُورَةِ صَوَّرَهَا نَفْسٌ فَهِيَ مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْوَاحِ. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ici, tout façonneur d'image est en enfer. Ça c'est une généralité. Donc il est représenté un homme, un animal, un paysage, un arbre ou autre. Mais la suite du hadith nous montre que ce sont exclusivement ceux qui ont représenté les choses qui avaient une âme. Comme cela est explicite aussi dans d'autres hadiths. ou comme on peut tirer cela d'autres hadiths. Méditez sur la suite du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit chaque image façonnée correspondra à une âme qui le châtiera dans Jahannam. يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ سُورَةٍ صَوَّرَ نَفْسٌ. Donc, on mettra une âme pour chaque photo, chaque représentation qu'il avait façonnée. Donc on parle de choses ayant une âme. نعم. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وهذا قول جماهير السلف والخلف أن المحرم منها ذوات الأرواح أن المحرم منها ذوات الأرواح. C'est l'avis de la majorité des pieux prédécesseurs et des contemporains de dire que ce qui est interdit est toute chose qui, la représentation des choses ayant une âme. Pas par exemple les arbres, les paysages et autres. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما آل المصورين يوم القيامة إلى النار يعذبون فيها أشد العذاب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans ce hadith de la mauvaise finalité de ceux qui s'adonnaient à la représentation. بأن تحضر جميع الصور التي صوروها في الدنيا فيجعل في كل صورة منها روح ثم تسلط عليه بالعذاب في نار جهنم. Donc on va amener toutes les choses qu'ils ont représentées, aussi nombreuses soient-elles. Donc tout ce qu'ils ont représenté fi dunya sera avancé et apporté. On mettra pour chacune de ces représentations une âme, puis il sera châtié par elle. Puis il sera châtié par elle. مناسبة الحديث للباب في دلالة على تحريم التصوير ووعيد المصورين. L'auteur rahimahullah ta'ala a cité ce hadith sous ce chapitre car on y voit l'interdiction des représentations et la grande menace qui pèse sur ceux qui font les représentations. استفاد من هذا الحديث تحريم التصوير وأنه من الكبائر. On tire de ce hadith l'interdiction des représentations et que cela a pour jugement ou entre dans les grands péchés. تحريم التصوير بجميع أنواعه. L'interdiction des représentations, quelle que soit la sorte, quelle que soit la sorte, que ce soit en dessinant sur une feuille, que ce soit avec un appareil photo, que ce soit une statue ou autre. À partir du moment où cette chose a une âme, à partir du moment où cette chose a une âme, illa madda'at ilayhi darura, sauf en cas de force majeure, comme si on demande une photo pour des papiers d'identité ou pour faire le hajj ou la umra et ainsi de suite, sauf en cas de force majeure. Parmi ce qui nous a été rapporté de nos enseignants, les élèves de Cheikh Moukbir rahimahullah ta'ala, que Cheikh rahimahullah ta'ala disait lui, حتى هذا محرم والإثم على من ألزم الناس بهذا. Les enseignants nous ont dit que Cheikh Mourbih rahimahullah ta'ala disait, dans les cas où il y a la nécessité, où nous sommes obligés de faire la photo, même dans ce cas c'est haram. Même dans ce cas c'est haram, et le péché va sur celui qui a rendu obligatoire cette chose-là à la base. Ok, maqala rahimahullah. Ça nous montre la gravité. Ça nous montre la gravité de cette action. Puis l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit, ولهما عنه مرفوعا من صور سورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. Il rapporte aussi le Bukhari Muslim selon lui une chaîne de transmission qui remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il dit, celui qui façonne une image dans la vie d'ici-bas, on lui ordonnera d'y insuffler la vie, mais il sera incapable. Mais il en sera incapable. Taklifuhu. يعني ولهما عنه مرفوعا من صور سورة في الدنيا سورة نكرة في سياق الشرط يعم جميع السور. Donc ici celui qui représente ou façonne une image, si c'est général, quelle que soit l'image, quelle que soit l'image, من ذوات الأرواح, parmi ceux qui a une âme, كلف أي ألزم والذي يلزمه هو الله سبحانه وتعالى. Donc on lui rendra, on lui imposera, et celui qui lui impose, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ayan fukha fiha ruh, d'y insuffler l'âme. Donc il faisait des représentations fit dunya. On va lui imposer d'insuffler l'âme dans ce qu'il représentait fit dunya. Mais il en sera incapable. Wa taklifu ma la yumkinu. Ma la yumkinu fi'lu min az-ziyada fil 'adab. Et le fait de lui infliger cela, le fait de lui rendre de lui imposer, d'insuffler l'âme dans cette chose, sachant qu'il en sera incapable, est un châtiment. Certains savants même disent que c'est le châtiment qui est cité dans le hadith passé. Naam. Le châtiment le plus douloureux. Certains ont dit qu'il s'agit de cela. C'est-à-dire lui imposer d'insuffler l'âme dans cette chose et il n'y arrivera pas. Et il n'y arrivera pas. Et en réalité, c'est une des formes du châtiment. Donc le fait de savoir qu'il ne pourra pas réussir, ben ça ajoute à sa peine de la peine, à son châtiment, à sa douleur du châtiment et de la peine. Wal-ajab. أنه كان في الدنيا تنعم ويرتاح بالتصوير وربما يقتصد. Et ce qui est étonnant, c'est que ça sera la cause de sa douleur, de son châtiment, de sa peine, et ainsi de suite. Alors que dans ce bas-monde, c'était exactement le contraire. Pourquoi est-ce qu'ils font des représentations? Pourquoi est-ce qu'ils dessinent? Ils disent que ça les appelle. C'est leur loisir, c'est leur bonheur, c'est leur plaisir. Naam. D'autres, c'est pour gagner de l'argent. Ben, on va leur donner exactement le contraire, fil akhir. Dans l'au-delà, on les menace exactement du contraire. Farraha al-haqiqiyya hiya ma kanat fi ta'ati Allah subhanahu wa ta'ala. Hada alladhi yabqa. La tranquillité, le repos réel, c'est tout ce qui a un rapport avec l'adoration d'Allah Azza wa Jal et son obéissance. Quant à ceux qui viennent à l'encontre de l'ordre d'Allah Azza wa Jal, comment est-ce que ça pourrait être Ar-Rah? Si ce n'est par la tromperie du shaitan. Al-Gharour. celui qui trompe les gens et enjolive le mal, al-waswas, al-gharour, na'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Puis l'auteur nous dit, rahimahullah ta'ala, ولمسلم عن أبي هياج قال قال لي علي أي علي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويتها. مسلم rahimahullah rapporte d'après Abu Hayyaj que Ali me dit un jour, veux-tu que je te prodigue les mêmes conseils que ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam me prodiguait avant de partir en expédition, ne laisse aucune image sans l'effacer, ni aucune tombe surélevée sans l'aplanir. Wali Muslim an Abi Hayyaj. Abu Hayya, Abu al-Hayyaj wa Hayyan ibn Husayn al-Asdi wa huwa tabi'i thiqah rahimahullahu ta'ala. Abu al-Hayyaj se nomme Hayyan ibn Husayn, fait partie des tabi'un. Qal, il nous dit, qala li Ali, Ali m'a dit, c'est-à-dire Ali ibn Abi Talib, le quatrième calife, l'époux de la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fatima, le père de l'Hassan et l'Hussein radiallahu anhum ajma'in. Ala, ne vais-je pas, ala ab'athuka ala ma ba'athani alayhi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ne veux-tu pas que je t'envoie faire une chose dans laquelle m'a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Veux-tu que je t'envoie faire une chose à laquelle m'a envoyé le prophète, pour laquelle m'a envoyé le prophète sallallahu, le messager sallallahu alayhi wa sallam. Ne laisse pas, ou bien ne laisse aucune image sans l'effacer, ni aucune tombe surélevée sans la planir. Al-ba'th huwa al-irsal bi-amrin muhim. Ici, Ali ibn Abi Talib parle à un tabi'i. Il lui dit, veux-tu que je t'envoie pour une mission importante, tout comme m'avait envoyé auparavant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on utilise al-ba'd, c'est l'envoi pour une chose importante. Quelle est la chose la plus importante que vous connaissez? Al-tawhid. Jazakallahu khayr. C'est pour cela qu'Allah azza wa jalla nous dit dans le Coran, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Et nous avons envoyé, en utilisant ce verbe, dans chaque communauté un messager pour leur dire n'adorez qu'Allah, éloignez-vous du taghut. La ilaha illallah. La chose la plus importante. C'est la chose la plus importante. Cette chose-là, c'est sur cette chose-là qu'ont été éduqués sahabes. Et regarde lorsque l'éducation pénètre le, yani la profondeur des cœurs. Ça a un effet tel que Ali ibn Abi Talib est resté sur le manhaj du prophète sallallahu alayhi wa sallam fi da'wati ila Allah wa fi ta'zim ma 'azzamahu Allah tabaraka wa ta'ala. Au point de développer ce profond respect pour at-tawhid chez at-tabi'un. Pourquoi est-ce qu'il s'est adressé à lui en ces termes? Il aurait pu lui dire directement la chose. Mais regardez comment est-ce qu'il lui a avancé le hadith. Ça c'est min fiqh al-da'wa. Les savants appellent cela usru, tashwiq. Tu fais envie à la personne d'entendre la suite. Hein, comme on le développera dans le cours du jeudi, inshallah ta'ala, cette faïda de Cheikh Abdul Razak Al-Badr Havidahullahu ta'ala. Donc il ne lui a pas directement dit l'information. Il lui fait savoir que la chose qu'il va lui dire est une chose qui a été prononcée par la mère des créatures auparavant. Et à laquelle il a envoyé qui? Ali ibn Abi Talib, une des meilleures créatures, le quatrième meilleur des califes, et des hommes après les prophètes et messagers. Donc la mère des créatures qui envoie une des meilleures créatures, pour une chose importante. Si je t'informe de cela et je te dis que je vais t'envoyer pour la même chose, dans quel état est-ce que tu seras? Non. Si je te dis, reviens me voir dans un mois et je t'en informerai. Tu serais satisfait? Ou tu voudrais tout de suite, la réponse? Quelle est cette chose pour laquelle t'a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quelle est cette chose importante? Puis Ali ibn Abi Talib, sans plus attendre, lui dit, ne laisse aucune image sans l'effacer, ni aucune tombe surélevée sans l'aplanir. La tada ay la tatruk suratan illa tamastaha ay azaltaha. Donc ne laisse aucune image sans l'effacer, la faire disparaître. At-tams huwa al-izala wal mahw. Wa la qabran mushrifan ay aliyan al-ard ay muzayyanan بالتصاوير او الوان او غير ذلك الا سويته اي جعلته مساويا للارض نعم او التسويه الشرعيه قدر شبر. Donc de ne laisser aucune image sans l'effacer, sans la faire disparaître, et selon l'image tu l'effaceras, tu la feras disparaître. Si c'est un dessin par exemple, il te suffit de passer une couleur par exemple sur le visage. Naam. Pas juste en faisant un trait sur les yeux comme on le voit. À Surat al-Ra's, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que la représentation c'est le visage. C'est le visage. Donc, la personne, elle efface le visage, elle fait disparaître le visage, si c'est un dessin avec par exemple la marque. Mais si c'est une chose construite comme une statue ou autre, alors il casse cela. Donc ça dépend de la représentation. Si c'est une statue ou une maza, je ne vais pas dire une poupée sinon on va me faire des problèmes, maza, elle est une statue ou autre, on enlève la tête. Naam, c'est plus à ce moment-là une représentation interdite. Si je dis une poupée, ils sont capables de faire un montage, ça va me faire des grands problèmes. Wa hasbuna Allahu wa ni'mal wakeel. Un pas plus grand problème que nos péchés. Allah musta'an. Quant à la tombe élevée, c'est celle qui est surélevée au-dessus de ce qui a été permis, fi shara'a. Hein? Au-dessus de ce qui a été permis, fi shara'a. Donc il lui dit, à chaque fois que tu verras une tombe surélevée au-dessus du niveau religieusement permis, tu devras la rabaisser au niveau qui a été permis par la religion. في هذا الحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحث أبا الهياج إلى قيام بمهمة عظيمة يوجهه إلى ما وجهه من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم للقيام بإزالة السور لما فيها من مضاهات لخلق الله سبحانه وتعالى والفتنة للناس مما قد يؤديهم إلى الإشراك بالله عز وجل كما قد حصل في قوم نوح. أو قد ما قد يحصل من الغلو في أصحابها. وللقيام بتسوية القبور العالية لما في هذا من الافتتان بأصحابها وعبادتهم. Dans ce hadith, Ali ibn Abi Talib رضي الله عنه encourage Abu al-Hayyaj à ce à quoi il a été encouragé auparavant par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première chose est de faire disparaître toutes les représentations, car il y a dans cela une imitation de la création d'Allah tabaraka wa ta'ala. Aussi, ça peut troubler certaines personnes au point de les faire tomber dans le polythéisme. Comme cela fut le cas pour le peuple auquel a été envoyé Nuh alayhi salam. Deuxièmement, le fait de ne laisser aucune tombe surélevée sans l'aplanir. Car d'exagérer au sujet des morts amène les gens à les adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. مناسبة الحديث للباب دل على وجوب طمس الصور وإتلافها. L'auteur a cité ce hadith sous ce chapitre car on y voit l'obligation d'enlever et d'effacer les représentations. Et cela car bien évidemment c'est interdit. نستفيد من هذا الحديث تحريم التصوير ووجوب إزالة الصور بجميع أنواعها. On tire de ce hadith l'interdiction des représentations et l'obligation d'enlever et d'effacer les représentations. Souvent, on nous demande, moi j'ai des photos, je les garde, mais je ne les affiche pas. Celui qui fait ça, je ne les accroche pas dans mon salon ou dans ma chambre ou autre. Celui qui fait cela, est-ce qu'il aura obéi à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou pas? Oui ou non? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas effacé la représentation, il n'a pas fait disparaître la représentation. Est-ce qu'on nous a dit, ne laisse pas une image sans la ranger, sans la décrocher du mur, ou illa tamastaha, tamastaha, ay azaltaha. Non. Certaines personnes conservent des photos, par exemple, de leurs enfants décédés, d'autres de leurs parents décédés. Et lorsque tu leur cites les textes, ils disent oui, mais juste une. Non. Juste une. Quel que soit le nombre, cela entre dans la désobéissance. Deuxièmement, c'est par tristesse et amour qu'il a gardé cette photo. Sahih ? On ne le blâme pas sur la rahma qu'il a dans son cœur envers ses proches et ses bien-aimés. Par contre, par rahma pour lui, on lui dit de se débarrasser de cette photo et d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ? Premièrement, tout le mal est dans la désobéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, tout le bien est dans l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, en gardant cette photo, tu ne feras qu'ajouter de la peine à ta peine, de la tristesse à ta tristesse, comme c'est connu. Naam, comme c'est connu. La personne ne trouve pas l'apaisement en regardant mazal la photo de l'être décédé. Mais ça lui ajoute mazal de la douleur à sa douleur. La personne qui est blessée, est-ce qu'on veut que cette plaie reste ouverte ou qu'elle cicatrise et elle se referme? Non, cicatrise et elle se referme. Donc en gardant cette photo, c'est comme s'il laissait sa plaie ouverte. Il ne voulait pas qu'elle se cicatrise. Et s'il y avait un bien dans cela, et si c'était réellement une forme de miséricorde, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam huwa alladhi arsalahu Allah lin-nasi kaffah rahmatan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ma'a dhalik, lamma tuwfi ibnuhu Ibrahim baka wa salat dumu'uhu wa ma'a dhalik. Celui qui nous a été envoyé à nous et à l'ensemble des mondes en tant que miséricorde, c'est qui? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui avait plus de rahmah pour l'ensemble des gens que toute autre personne. Malgré cela, lorsque son fils Ibrahim est décédé, il a pleuré, mais il n'a pas fait pour autant de représentation. Alors que c'est celui qui avait plus de rahma dans son cœur que nous tous. Il a été envoyé en tant que miséricorde pour les mondes. Et il n'a pas, et les compagnons n'ont pas fait cela. Je vous dis cela car j'ai vu des gens qui étaient fait tahfidh al-Qur'an, qui étudiaient, qui mémorisaient du Qur'an, na'am, lors du décès de proches. Et ils ont gardé, subhanallah, une photo. Naam. Wallahu musta'an. Et la personne qui fait des recommandations, conseille une personne touchée par une telle épreuve, il convient qu'il s'exprime avec tact et madha et douceur. Avec tact et douceur afin de ne pas croiser la personne. Néanmoins, on dit que haqqullah muqaddam wa a'zam. On dit que le droit d'Allah est plus important et prévaut. On tire de ce hadith at-tawasi bil haqq والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبليغ العلم. On tire de ce hadith le fait de s'enjoindre mutuellement la vérité, ainsi que le fait de recommander le bien et de blâmer le mal, et de transmettre la science. تحريم رفع القبور ببناء أو غيره لأنه من وسائل الشرك. L'interdiction d'élever les tombes, que ce soit en construisant dessus ou en élevant la tombe, car tout cela pousse au shirk, fait tomber les gens dans le shirk. Le fait d'encourager les gens dans la da'wa. Le fait d'encourager les gens dans la da'wa. Dans la da'wa, tout est important. Mais le plus important, c'est tout ce qui vient pour préserver l'aqida al-sahih. Et d'enlever tout ce qui vient et qui pourrait corrompre l'aqida al-sahih. Ça, c'est un asl azim. Ça, c'est une base des plus énormes, des plus immenses, des plus importantes. Tous les prophètes ont eu cela. Subhanallah. Comment se fait-il qu'au jour d'aujourd'hui, celui qui traite souvent de ce sujet est étranger? Comment se fait-il que celui qui accorde de l'importance à ceux qui a été émancipé dans le Coran et la Sunna soit pointé du doigt? soit dénigré, soit calomnié, et j'en passe. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait enseigné que la chose la plus importante était une autre chose, on aurait accordé plus d'importance à cette autre chose. Il ne nous est pas permis de contredire la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette chose ô combien importante, ad-da'watu ila Allah. Et des gens qui prennent pour signe et étendard ad-da'wah n'appellent pas à cela et ne basent pas leur prêche sur cela. Comment le pourrait-il? C'est français ça? Alhamdulillah. Alors que eux-mêmes n'ont pas été éduqués dans cela et ne l'ont pas étudié. Par moments tu t'étonnes, tu dis mais pourquoi telle personne? Ma yurakiz ala tawhid wa ma yuhadhir min ash-shirk. Pourquoi est-ce qu'il n'accorde pas plus d'importance à cela? Pourquoi il n'accorde pas plus d'importance à cela? Et malheureusement, par moment, la conclusion, c'est une chose à laquelle tu n'avais même pas pensé. C'est quoi? C'est que lui-même ne connaît pas cette chose-là. Comment est-ce qu'il pourrait y appeler? Lui-même ne l'a pas étudié, lui-même n'a pas été éduqué ainsi. C'est pour ça qu'il ne comprend même pas ce à quoi tu l'appelles. Il ne voit même pas sa faute. Il ne voit même pas sa faute. « Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » C'est une musiba azima jiddan. C'est une musiba, c'est un grand malheur, une grande calamité, une grande épreuve qui touche la communauté. Qu'une personne qui a ce statut-là de prêcheur et qui ne sait pas que c'est la chose la plus importante. À quoi est-ce qu'il va appeler alors les gens? À quoi est-ce qu'il va alors appeler les gens? Il peut appeler les gens à tout le bien. Tant qu'il n'y a pas ce bien-là, tout son islam sera en danger. Tout son islam sera en danger car en tombant une fois dans le shirk akbar, il va perdre tout ce qu'il avait construit, subhanallah. Il va perdre tout ce qu'il avait construit pendant de nombreuses années. Les gens ne prennent pas ce risque-là dans les choses de dunya. Lorsqu'ils construisent des maisons et des étages et des bâtiments et ainsi de suite, ils prennent toutes les précautions, ils font les fondations. Ils investissent énormément dans les fondations. Ils cherchent le meilleur terrain. Non? Pourquoi? Car sans ça, toute personne qui entrera sera en danger. Sahih? Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas la même chose fi din? Pourquoi ils n'accordent pas d'importance au assas, au soul, au di, au mada, au tawhid, à l'aqida et ainsi de suite? Sans aqida, sans les piliers, toute personne qui entrera dans ta construction sera en danger. Comme l'a expliqué Cheikh Salah Al-Fawzan Hafidahullah Ta'ala. فأهل التوحيد يعني هم الذين يهتمون بهذا الأمر. طمس السواق. Les gens du Tawhid. Les gens qui ont connu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Les gens qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala, qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont ceux qui accordent de l'importance à cette chose-là. Ils ne disent pas comme beaucoup, ça n'est que des fautes, ça n'est que représentation, et on est mada au 20e siècle, et ceci et cela. Là, ils savent que c'est la cause du shirk fil alam. Ils sachent que c'est la cause de l'envoi du premier messager aux gens de la terre, Nuh alayhi salam. وَمَنْ أَنْكَرَ سُوَرَ وَمَنْ أَنْكَرَ سُوَرَ الْيَوْمِ هُوَ غَرِيبٌ وَفِي غُرْبَةٍ فَطُوبَ لِلْغُرَبَةِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Celui qui aujourd'hui blâme les gens pour les représentations, c'est on le blâme, on le dénigre, et on dit qu'il exagère dans la religion. On dit qu'il exagère dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Et il est étranger. Naam, effectivement il est étranger. Mais on lui annonce la bonne nouvelle. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. بدأ الإسلام غريبا، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى لغرباء. L'islam a commencé de manière étrange. Il y avait peu de personnes. Et redeviendra étrange. Alors, bonne nouvelle. Bonne nouvelle aux étrangers. Une minorité de personnes sur la droiture qui réforme la majorité des gens qui ne sont pas sur cette droiture. وجوب هدم القباب المبنية على القبور. On tire de ce hadith l'obligation d'enlever toutes les constructions faites et édifiées sur les tombes. Et dans beaucoup de pays, malheureusement, on voit qu'ils ont construit sur les tombes. Subhanallah. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie les meilleurs des gens pour enlever tout cela. Puis, des gens qui s'affilient à l'islam construisent sur Mada sur les tombes. Il y a même des gens qui disent que celui qui ne fait pas ça ne respecte pas les saints, ne respecte pas les gens pieux. Allahu Akbar. Ça veut dire que Ali ibn Abi Talib ne respectait pas les gens bien, les gens pieux. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les respectait pas non plus. Ra'aytum al-lawazim al-khatira. De dire ça, c'est très dangereux pour son islam. هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أمر الله وما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأمر الله إياه. Et le prophète صلى الله عليه وسلم n'ordonne pas si ce n'est après l'ordre d'Allah تبارك وتعالى. Donc celui qui dit que c'est de l'exagération de dire ça, celui qui dit que c'est un manque de respect de ne pas construire sur les tombeaux, il a dit une chose très grave. Il a dit une chose très grave. Il y a encore d'autres. Il y a beaucoup de sciences à tirer de ce hadith. Question qui est posée souvent concernant les enfants et les représentations sur leurs vêtements. Est-ce que c'est permis ou pas? La réponse est non, car ça entre dans la généralité des hadiths visés par l'interdiction. Donc il n'est pas permis ni à un adulte ni à un enfant les représentations, et c'est interdit également de porter des vêtements où il y a des représentations, c'est-à-dire dawatul arwah, des gens ou bien des animaux. Des gens ou des animaux. Et s'il y a une chose avec un visage, avec la tête, le visage, il suffit d'enlever le visage. Donc s'il y a le corps sans la tête, ça n'est pas une représentation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit mur bi ra's at-tamthil fayuqta' fayasir ka hay'ati shajara. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam attendait Jibril alayhi salam et il n'est pas venu comme à son habitude. Par la suite, lorsqu'il est venu alayhi salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu comme à son habitude. Il lui a dit qu'il y a une représentation. Il y a, yani un de ses petits-fils avait fait entrer une représentation dans la maison. Naam, j'ai oublié le terme du hadith. Si je ne me trompe pas, on l'avait étudié dans Sahih al-Musnad de Cheikh Moubir, rahimahullah ta'ala. Donc il y avait soit un petit chien, soit un jouet, naam, représenté, soit les deux, j'ai oublié. Ala kulli hal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou bien Jibril a dit, qu'on prenne la représentation, qu'on enlève la tête, afin que ça prenne l'apparence d'un arbre. Qu'est-ce que les savants tiraient de ce hadith? Que sans la tête, ça n'est plus une représentation. Ça n'est plus une représentation. Car ce qui est interdit, c'est zawatul arwah, c'est ce qui a l'âme. Naam. Et sans l'âme, sans tête, il n'y a pas l'âme. هذا الذي تيسر والحمد لله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف. Le chapitre 61 du fait de prêter serment fréquemment. Celui qui jure beaucoup. Aï min al-nahy, c'est-à-dire l'interdiction. الحلف هو القسم واليمين وهو تأكيد أمر بذكر معظم بصيغة مخصوصة بأحد الحروف الثلاثة حروف القسم وهي الباء والتاء وهي الباء والواو والتاء donc du fait de prêter serment fréquemment c'est-à-dire de jurer. Jurer, c'est quoi concrètement? C'est le fait d'appuyer une chose en citant une chose qu'on immensifie. En citant celui qu'on immensifie à l'aide ou par l'intermédiaire ou en utilisant une des trois lettres par lesquelles on jure. Le waw, en disant par exemple wallahi, le ba, en disant billahi, ou le ta, en disant tallahi. Les trois lettres par lesquelles on jure. Munasabatul bab li kitab at-tawhid. Pourquoi est-ce que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a cité ce chapitre dans son livre Kitab at-tawhid? Kathratul halif yadullu ala adami ta'zim al-mahluf bih. Car celui qui jure fréquemment, celui qui jure fréquemment n'a pas immensifié, n'a pas considéré comme il fallait celui par lequel il jure. Quand tu jures, tu cites celui que tu immensifies. Et de beaucoup jurer montre que tu n'immensifies pas assez celui par lequel tu jures. Parce que tu cites très facilement son nom pour appuyer une information. Et cela vient à l'encontre de la perfection du tawhid. والواجب والواجب أن يلاحظ في اليمين ثلاثة أمور. Dans ce chapitre, ou bien plutôt dans tout ce qui concerne le fait de jurer, il faut faire attention à trois choses. Il faut faire attention à trois choses. دلت عليه الشريعة. Il nous indique la législation. أن يكون الحلف بالله لا بغيره. Premièrement, celui qui jure doit jurer par Allah, pas par un autre. Il doit jurer par Allah et ne jamais jurer par un autre. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit celui qui jure, qu'il jure par Allah ou qu'il se taise. والحلف بغير الله شرك أصغر في الأصل. Et de jurer par un autre qu'Allah Azza wa Jal, c'est du polythéisme mineur à la base. Et qu'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. Celui qui jure par un autre qu'Allah a mécru ou associé. Et on a déjà étudié ce chapitre. الأمر الثاني إذا حلف يصدق. S'il jure, il jure en étant véridique, il ne ment pas. Il ne ment pas. ومن وقع في ومن حلف كاذبا فقد وقع في امر عظيم شنيع جدا. Et celui qui jure en mentant a certes commis un des péchés les plus graves. الأمر الثالث حفظ الأيمان. Le troisième point, c'est de préserver son serment. Et on l'expliquera ici. C'est-à-dire de ne pas jurer de manière abusive. Naam. De ne pas jurer de manière abusive. وَمَا ضَابِطُ ذَلِكَ. Et quand est-ce que la personne sera considérée comme ayant exagéré dans cela? Quand est-ce qu'on dira c'est trop? أَنْ يَكُنَ الْحَلِفْ لِغَيْرِ حَاجَةٍ أَوْ مَصْلَحَةٍ رَاجِحٍ. Si la personne juge sans nécessité ou sans un bien qui en découle, alors on dira qu'elle a exagéré dans cela à la base. À la base. Ensuite, il peut y avoir une situation qui fait que la personne jure sans entrer dans l'exagération. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم. الله le très haut dit et tenez à vos serments et préservez vos serments et préservez vos serments ou tenez vos serments. اختلف أهل التفسير في هذه الآية على ثلاثة أقوال. Les exégètes du Coran ont cité trois avis pour l'explication de cette parole. Premièrement, أقل الحلف ولا تكثر منها. Premièrement, ne jugez que rarement et ne jurez pas de manière abusive, trop fréquemment. Donc la première explication est de dire qu'il ne faut pas trop jurer. Il ne faut pas trop jurer. Et c'est ce qui est en rapport, c'est l'explication qui est en rapport avec l'intitulé du chapitre. C'est pour cela que l'auteur a cité ce verset. Deuxièmement, la deuxième explication est de dire, quand vous jurez de faire une chose, tenez votre engagement. Tenez votre engagement. Ne manquez pas à ce pourquoi vous avez juré. La personne dit, Wallahi, je veux faire telle chose. Ben, on lui dit, fais cette chose. Et ne romps pas ton engagement. Thalithan, troisièmement. Ihfadhu aymanakum. Idha hanathum, alla tukaffiru. D'accord? Alla tukaffiru, idha hanathum. La troisième explication est de dire. Tenez vos engagements, c'est de dire. Lorsque vous jurez de faire une chose, puis que vous ne la faites pas, ben faites la kafar, le dédommagement. Pour ceux qui ne savent pas, celui qui jure de faire une chose, de ne pas faire une chose, puis contredit ce pourquoi il a juré, il y a un dédommagement. Ce qu'on appelle el-kafar. Ce qu'on appelle elle kafara. D'accord? Ben, le troisième sens est de dire que dans le cas où tu as juré de faire ou de ne pas faire, plus que tu as rompu ton engagement, d'accord? Veille à faire la kafara, le dédommagement. Est-ce que c'est compris? Tu dois t'acquitter, de la kafara, du dédommagement. Voici les trois explications. Ibn Asim, rahimahullah ta'ala, dit on peut ajouter une quatrième. C'est quoi? عدم الحلف بغير الله. Le fait de ne pas jurer par un autre qu'Allah. Et est-ce que cette parole peut provenir si ce n'est d'un homme qui a vécu sur le tawhid, qui a accordé l'importance au tawhid, qui a baigné dans le tawhid, qui a été éduqué sur le tawhid? فرحم الله رحمة واسعة العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وسائر علمائنا والمسلمين والمسلمات. Donc le fait de ne pas beaucoup jurer, c'est dans le cas, bien sûr, où il n'y a pas un bien à le faire. Où il y a un bien à le faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith: Wallahi inni insha'Allah la ahlifu ala yaminin fara ghayraha ahsan minha illa ataytu alladhi huwa khayr wa kaffartu an yamini. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit par Allah, et si Allah le veut, je ne jure de faire une maza. À chaque fois que je jure de faire une chose, puis vois une autre meilleure que celle-ci, je fais la kafara et je fais la meilleure chose. Donc je m'acquitte du dédommagement, d'accord ? Et je fais la meilleure chose. Qu'est-ce que kafaratul yamin ? C'est quoi la kafara ? Cette question est souvent posée. Celui qui jure, puis ne tient pas son serment. Celui qui jure, puis ne tient pas son serment. Quelle est la kafara ? Qu'est-ce qui répond à cette question ? Là. Non. Là. Non. Il doit nourrir. Pardon ? Nourrir des pauvres, les habiller. Il choisit le nombre de pauvres qu'il veut. Comment ? J'entends mal. 10 pauvres. Non. Donc, kafaratul yamin it'amu. Combien ? 10. Il doit nourrir 10 pauvres ou vêtir 10 pauvres. À la tahir. Donc il a le choix. Il doit nourrir 10 pauvres ou vêtir 10 pauvres. Min awsat ma tut'imuna ahlikum. Donc leur donner des choses, comment dire ça ? Il fait partie des choses qu'on donne à nos familles en général. Ça ne doit pas, donc nous n'avons pas l'obligation de donner les choses les plus coûteuses, mais on ne doit pas non plus donner les choses les plus basses ou viles. Le juste milieu de ce qu'on donne à nos familles. Ou kiswatuhum, ou tahriru raqaba. Donc, tu as le choix entre ces trois choses. Nourrir 10 pauvres, habiller 10 pauvres, donc tu achètes pour 10 pauvres un vêtement, ou affranchir un esclave. Tu as le choix entre ces trois choses. Tu as le choix. Ça n'est pas dans l'ordre. فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ. Celui qui n'a pas la capacité de faire l'une de ces trois choses, فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. Alors lui, il devra jeûner 3 jours. Est-ce que c'est compris ? Il devra jeûner 3 jours. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب أخرجاه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt Abu Hurayrata radiallahu anhu, a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: le serment permet de vendre la marchandise, mais anéantit le gain. Mais anéantit le gain. Apporté par Al-Bukhari et Muslim. الحالف منفقة في رواية مسلم اليمين وعند أحمد اليمين الكاذبة فالمقصود هنا الذي يحلف كاذبا. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith que le fait de jurer permet d'écouler sa marchandise, de la vendre mieux. Permet de mieux vendre sa marchandise. Ce qui est voulu ici, c'est celui qui jure en mentant, soit sur le prix, soit sur la qualité, soit sur les caractéristiques et autres. Il dit par exemple, Wallahi, c'est Mada, ça n'est pas de la contrefaçon, c'est Asil, c'est l'original. Wallahi, je l'ai acheté à 100 euros, alors qu'en vrai, il l'a acheté à 80. D'accord ? Ou bien, il exagère dans ses fonctions, et ainsi de suite. Donc, en jurant ainsi, celui qui entend cela et qui hésite à acheter, qu'est-ce qu'il fera ? Cela l'apaisera, donc il achètera. Donc, il achètera. Voici l'explication de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-halifu manfaqa. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Mamhaqatun lil-kasb. Mais cela anéantit le gain. C'est-à-dire, soit de manière concrète, la personne perd son argent. La personne perd son argent. Combien de personnes richissimes ont vu leur argent brûler suite à un incendie, par exemple, ou l'ont perdu dans les jeux Muharrama, comme ceux qui jouent au Mada, au jeu de hasard et autres, ou sont touchés par une maladie grave, alors ils sont obligés de dépenser ce qu'ils avaient amassé comme richesse, subhanallah. Du fait qu'ils l'ont eu de manière illicite, on ne met pas la baraka dans l'argent. Donc ça, c'est la première explication. Al-itlaf al-hissi. Fayusallitu Allah subhanahu wa ta'ala ala malihi shay'a. Al-ihraq ou ghayri. Donc premièrement, par une chose concrète. وَيَشْمَلُ الْمَعْنَى. Oui, ça peut être par une chose abstraite. Donc son argent reste en apparence. لكن الله سبحانه وتعالى لا يجعل في هذا المال بركة فيعيش عيشة الفقراء وماله بيده ويعيش مسكينا فقيرا لا يقدر على الأفعال لا يحج يملك الملايين ما يحج بين هذا مسكين يشتغل يجمع المال ثم يحج سبحان الله. La deuxième explication, c'est qu'on lui enlève son argent de manière abstraite, c'est-à-dire qu'il voit son argent, mais on lui enlève la bénédiction dans son argent. Alors il n'arrive pas à faire ce que ferait une personne qui a beaucoup d'argent. Il vit la vie d'une personne pauvre. Il se voit toujours pauvre. Il n'arrive pas à vivre de manière aisée. Alors qu'il a la main, la poche et son coffre plein ou plein d'argent. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala ne met pas la bénédiction dans tes biens, c'est comme si tu n'en avais pas. C'est comme tu n'en avais pas. Et combien sont ceux qui possèdent énormément de richesses, mais ils vivent comme des pauvres. Parce qu'il n'y a pas de baraka dans leur argent. Ils ont de l'argent dans leur poche, dans leur compte, et ils n'arrivent pas à vivre de manière aisée. Ils se voient pauvres tout le temps, quel que soit le bénéfice qu'ils font. Subhanallah. Ils n'arrivent pas, par exemple, à faire le hajj. Ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à aller à l'agence. Ils n'arrivent pas à s'inscrire. Ils n'arrivent pas à poser son passeport. Ils n'arrivent pas à débloquer l'argent. Alors qu'il en a plein. Mais tel un pauvre, il n'arrive pas à faire le hajj. Allah musta'an. À quoi bon avoir cet argent? Il n'arrive pas à faire des sadaqat. Il n'arrive pas à honorer son hôte. Il n'arrive pas à aider les gens qui sont dans le besoin. Il n'arrive pas à aider la femme veuve. Il n'arrive pas à dépenser pour le foyer. Pourquoi? Il n'y a pas de baraka dans son argent. Il se voit pauvre, comme s'il n'avait pas d'argent. Telle la personne qui n'a pas d'argent. Donc ici, on voit que le plus important, c'est de prendre le khayr, bil khayr. C'est de prendre le bien, mais pas de n'importe quelle façon. De la façon qu'Allah subhanahu wa ta'ala a permis et a légiféré. يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون في الحلف. يحذر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من التهاون بالحلف وكثرة استعماله لترويج المتاع وجلب الكسب. Dans ce hadith, le prophète صلى الله عليه وسلم nous met en garde contre le fait de jurer fréquemment et le fait de vouloir écouler sa marchandise en jurant. La personne se met à mentir lorsqu'elle achète et lorsqu'elle vend, que ce soit sur la qualité de sa marchandise, sur le prix ou autre. Ainsi, celui qui veut lui acheter ses biens se fait duper et achète plus que ce que vaut sa marchandise, après avoir été affecté par son serment. Allah subhanahu wa ta'ala yu'aqibuhu binaz'i al-baraka an malihi. Donc Allah azza wa jalla le punit en ôtant la bénédiction qu'il y a dans ses biens. مناسبة الحديث للباب في التحذير من استعمال الحلف لأجل ترويج السلع وبيان ما يترتب على ذلك من الضرر. L'auteur rahimahullah ta'ala cite ce hadith sous ce chapitre car on y voit la mise en garde contre le fait de trop jurer ou de jurer en mentant pour écouler sa marchandise. Il nous montre également sallallahu alayhi wa sallam le mal qui découlera de ce péché. Et il se peut que l'auteur rahimahullah ta'ala ait cité ce hadith sous ce chapitre, comme ont dit certains savants, min bab an-nahy 'an al-wasa'il, li'anna man akthara min al-halif sadiqa jarrahu dhalik ila al-halif kadhiba. Certains savants ont dit que l'auteur a cité ce hadith pour nous mettre en garde contre les causes qui mènent à mentir en jurant, car celui qui fait que de jurer, celui qui jure fréquemment, qui prend l'habitude de jurer, cette personne-là, c'est connu qu'il se mettra à jurer en mentant. Car il n'accorde pas d'importance à ses dires. Ma yustafad min hadha al-hadith, ce qu'on peut tirer de ce hadith, at-tahdhir min isti'mal al-halif li ajli tarwij al-sil'a. Mise en garde contre le fait de jurer de manière abusive pour écouler sa marchandise. لأن ذلك امتهان لاسم الله تبارك وتعالى وهو نقص في التوحيد. Car celui qui fait que de jurer, c'est comme s'il n'a pas respecté le nom d'Allah. C'est comme s'il n'a pas respecté, comme il le devait, le nom d'Allah. C'est donc un manquement dans son tawhid. Donc une imperfection dans son tawhid. بيان ما ترتب على الأيمان الكاذبة من المضرة. On y voit le mal qui se répercutera sur celui qui jure fréquemment, particulièrement celui qui jure en mentant. Al-kasb al-haram wa in kathurat kammiyatuh fa innahu manzu'u al-baraka la khayra fi. Les richesses, même si elles sont abondantes, il n'y a pas de bien dedans. car on y enlève la bénédiction. Allah Azza wa Jal est le seul à pouvoir mettre la baraka dans une chose. Et il ne met pas la baraka dans sa désobéissance. Et il ne met pas la bénédiction dans sa désobéissance. Alors que la plupart des péchés commis, wallahu alam, sont pour l'argent. Al-riba, al-sariqa, al-qatl et d'autres, c'est pourquoi? C'est pour l'argent. Al-kadhib, c'est pour l'argent. Alors qu'Allah Azza wa Jal ne va pas l'enrichir en réalité. Cet argent qu'il va amasser, qu'il va prendre en plus, na'am, celui qui travaille dans l'alcool, celui qui travaille dans le porc, celui qui vend de la drogue, toutes les, ces causes-là, même si elles amassent de l'argent, na'am, ces personnes-là, il n'y aura pas de baraka dans ses biens. Il ne pourra pas faire ce qu'il aurait pu faire avec de l'argent halal, dans lequel Allah Azza wa Jal, dans lequel Allah Azza wa Jal met la bénédiction. On s'arrête sur cela et on continuera le cours de Kitab al-Tawhid vendredi, Inch'Allah ta'ala. Et demain, comme on a l'habitude désormais, on étudiera Al-Kalim al-Tayyib d'Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, Misharh Sheikh Abdelrazzaq al-Badr, Hafidahullah ta'ala.